Hey, nous avons entendu, Hey, fonce-toi pas, toi! Reste tranquille, c'est le 31 décembre! Oui, mais le 31 décembre, on le sent pas, le 31 décembre! Comment ça, tu le sens pas? Madame Tremblay, elle arrête pas de frapper à ta porte, de dire « Oublie pas, oublie pas! » Puis là, tu te dis « Oublie pas quoi? » Ben, oublie pas que c'est le temps! Puis tu sais pas c'est quel temps, puis c'est le temps des fêtes! 31 décembre, temps des fêtes, c'est la dernière journée qu'on peut, dans laquelle on peut dire que l'on est dans ce vent! Dans ce vent, ben dans ce vent du temps des fêtes! Ouf! Moi, les courants d'air, tu sais, ben non, mais c'est pas un coup. Si tu ouvres pas l'autre porte en arrière, il y aura pas de courant d'air. Ça, si c'est dans le même sens, il y en a pas de courant d'air. Ouais, ta vie est un courant d'air. Non, mais la tienne va la devenir. OK, mais je vais partir. Je vais passer comme un courant d'air. Mais passe maintenant. OK, merci. Aujourd'hui, le vendredi... Ah oui, puis Brigitte Fontaine, nous l'entendrons aux petites heures de la nuit. Nous en connaîtrons davantage le personnage et je vous jure que ça sera intéressant. Et tu jures? Je jure. Oh! Hey, toi, là, tu prends pas ça à la légère, là. Tu jures devant le peuple québécois, les citoyens de ces coïrédiens, que Brigitte Fontaine s'amènera comme Une sauveur. Une sauveur? Oh, oui. Oh, t'es bon voyeur. Ben, bravo, hein. Si t'as trouvé le nouveau, le nouveau dieu. Oui, c'est Brigitte Fontaine. Oh, ben, bravo. Aujourd'hui, c'est à quelle heure, ça, là? C'est aux petites heures de la nuit. Ben, petites heures. Ben, les petites heures, pour moi, là, c'est quand j'ai des yeux. Hein, les petites heures, 2h30, 3h, petits yeux. Peut-être un peu avant. OK, alors j'ai encore avoir des grands yeux. Ouais, mais vous, ça va pas dans le moyen avant d'aller dans le petit? Bon, oui, c'est dans comme je peux, si je veux, puis quand j'ai le temps. Oh! Aujourd'hui, avez-vous le temps? Ben là, pendant cette période-là, on sait pas, on sait plus, on est perdu. Aujourd'hui, le vendredi 31 décembre 2010, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée. Les chaussettes. Enlève tes chaussettes, les chaussées, et chaussée la chaussette. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes. Les problèmes liés au boulot et aussi boulot. Confions la boussole. Je vais vous confier, non pas la boussole, mais un petit problème au niveau de ma bouche. Ah ben là, on veut pas avoir tes rencontres nocturnes. Non, ça fait pas partie des problèmes. Non, c'est pas un problème nocturne. Ben, j'ai pas dit un problème nocturne, c'est toi qui l'as dit. Oh, est-ce qu'on peut retourner l'enregistrement, madame? Non, on peut plus parce que notre machino est parti momentanément. Il est parti moment? Momentanément. Oh, il est parti pour revenir. Avec quoi? Avec plein de petites surprises. Oh, ben écoutez, on va le laisser partir. Hein? Ben non, il est déjà. OK, il n'est plus là. Ben non! Est-ce que tu le vois? Ben moi, je vois bien des affaires qui n'existent pas. Oh! OK. Ah non, mais... Garde sa signature, là, parce que pour rentrer et pour sortir, hein... Alors, signature de sortie, garde. Ticu Boudreau. Ah ben, c'est mon ticu est parti. Ton ticu est parti. Va-t-il revenir? Ben oui! Avec des beaux cadeaux! Oh, c'est pas fini, là, sa période des cadeaux. Là, les cadeaux, c'est à l'année, ici. Oh, ben, t'as entièrement raison. Alors, on peut pas retourner à la cassette. On peut pas retourner à la cassette. Bon, on va la laisser. se dérouler. Hey, pour les gens là, qui doivent sortir de la voiture, rentrer dans la voiture, fermer la radio, ouvrir la radio, être dans deux radios, là, puis prendre l'émission là, en morceaux, hein, en bride, comme on dit dans le milieu. Est-ce que c'est la bride? Ah, la bride, comme le cheval. Un cheval, on appelle ça la bride, hein? Tu tiens la bride. Parce que si tu le gouvernes avec la bride. Mais là, c'est pas cette bride-là que je veux parler, là. Ben là, tu mets tout le monde, tu dis la bride, talam. Non, c'est pas talam, c'est... OK, ben moi, j'ai jamais monté, mais moi non plus, OK. J'ai écouté des albums de Jean-Pierre Ferland, lui, il monte, hein. Oh, c'est beau, si tu voyais le monde, au fond, là-bas. Non, c'est Ginette qui monte, oh, oui. Oh, c'est beau. Ajustez pas votre caméra. C'est pas la caméra, c'est la radio. C'est bon, la radio aussi. Tu voyais le monde. Et moi, petit, comme il se doit. Et j'ai... Bien pas qu'elle ne me voit pas. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire là-dessus? Je sais plus ce que je voulais dire. Tu m'as laissé dans le monté, dans les aigus les plus... Iglu-centrique. Ah, t'as l'iglu-centrique. Ah, moi, j'ai l'iglu-centrisme, là. Regarde-moi. Oh, non, strabisme. Oh, ben là, arrange-toi, strabisme, épisme. Épisme, et bout du rhum, les dénotes. Hey, en parlant des nôtres, À quelle place je l'ai placé? On le sait pas, t'as peu, là. C'est ton petit cocktail. Oui, mon cocktail. Ben là, c'est pas le moment. Mais tous les moments sont bons. Je cherche ma feuille de cocktail. La feuille, elle est partie. On va la retrouver dans quelques minutes. C'est quoi? C'est la dérapade. Oui, la dérapade totale. Mais à quel... Non, j'avais dit TQ, mais pas ça loin, parce que c'est très important. Là, il l'a mis où? On le retrouvera tantôt. Laissons sur la chaussée les valises troubles. Mais oui, trop tard. Ben même la commission des liqueurs est fermée. Oh, ferme à 5h. Ferme à 17h. 17h, 5h. Alors là, j'espère qu'à la maison, les gens vont avoir leur alcool. Parce que là, ça prend de l'alcool là-dedans. Mais au pire, ils remplaceront ça par du jus de... Ben oui, mais c'est déjà du jus de fruits. Ben on peut pas changer du jus de fruits par du jus de fruits. Ça va faire un jus extra fruit. C'est pas un punch de fruits, quoi. Ben avec des fruits, mais avec un peu de remontant. Ah, ils prendront l'alcool à friction. Ah, c'est vrai, ça fait la même maudite affaire. Si vous en avez, là, allez frapper chez votre voisine puis à ramener de l'alcool à friction. Vous avez 15 minutes. Peut-être 20. 20 minutes, 15 minutes, 18. Comment t'es? On sait plus! Bon, OK. En tout cas, vous avez les moments, le moment propice. Et ça commence maintenant. Ah, mais là, c'est propice, mais à quoi? Ben, allez chercher, courez, allez-y, comme les pisseurs en folie, frappez des portes! Ayez-vous de l'alcool à friction? Ayez-vous de l'alcool à friction? Frappez toutes les portes, ici à Limoilou, à Québec, là, promenez-vous partout, je veux que ça court, je veux que ça glisse, je veux que ça se pète la gueule! Non! Non, soyez prudents, si vous vous pétez la gueule, pétez-les pas trop. Pour pas aller à l'hôpital, ça coûte cher, l'hôpital! Alors, laissons juste prévoyez votre chute un peu comme un homme de théâtre que je suis, hein. J'ai joué dans les plus grandes pièces. Mais on t'a jamais vu au théâtre. Mais en fait, j'étais spectateur. Oh, spectateur de ta vie? Aussi, oui. Spectateur de théâtre, ouais, également. Oh, t'as tes billets de saison? Ben, voyons donc! J'ai toujours eu mes billets de saison pour, je peux pas la nommer parce que les autres vont se sentir un peu, c'est vrai. Tu peux pas le dire. Mais Robert Lepage, je connais Robert Lepage! Oh! Est-ce qu'il va le venir? Non, il peut pas venir. Moi, j'ai... premièrement, il chante pas, Robert. Puis, même si il aurait bien voulu chanter, j'avais plus de place. Parce qu'avec la belle... Comment elle s'appelle, donc? Edith Butler, elle voulait la chanter, la Paquetteville. Puis là, j'ai pas pu dire autrement. Parce qu'elle est tellement gentille, oui. Encore! Ah oui, encore! Attention, on y va! Oh! Attention! Paquetteville, Paquetteville, tu peux bien dormir tranquille. Paquetteville, Paquetteville, tu peux bien dormir tranquille. Swing le matin, dans trois de votre voix. Mais Edith, c'est pas ton tour, c'est pas ton tour. Bon. Ah non, mais quand je... La jalouse, hein, Annie Cordy. Oh, tata yo-yo, mais c'est pas... Non, mais... Tata yo-yo, qu'est-ce qui passe sur ton grand chapeau? Qu'est-ce qu'il y a sur ton grand chapeau? Tata yo-yo, dans ma tête, il y a des crânes d'oiseaux. Les oiseaux peuvent pas venir maintenant, parce qu'ils se cachent pour mourir avant de revenir. Plus tu reviens, plus tu réussis. Si tu réussis, tu reviens. Alors donc, laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au sous-boulot. Les gens ne savent même pas dans quel univers ils sont. Vous êtes à CKRL. Oh, CKRL. CKRL. Oui, CKRL, le 89.1 à Québec. Oh! Qui cise ses assises au 405 3e avenue. Ah ben là c'est est-ce qu'on peut dire c'est le building de CKRL? Ben c'est l'endroit où commence la folie et surtout l'engouement des gens de la ville de Québec à faire de la radio. Donc c'est une radio pour les citoyens, réalisée par des citoyens et écoutée par des... Ben moi je dirais des citoyens. Oui monsieur, vous avez pas, on n'a rien à faire tirer là. Quoique peut-être le punch de tout à l'heure, si tout le monde nous amène leur alcool à friction, on risque de faire quelque chose. Mais là c'est pas selon la santé mentale, non, la santé physique. Si je regarde sur Internet, ben là, on n'a pas le moment. C'est pas le moment de regarder sur Internet à 17h13. Ah, ben, il n'y a pas le moment. Non, y a, tout est prêt. Tout est prêt à quoi? Ah, regardez ça. Il n'y a pas... c'est pas... Non, non, c'est vrai. Il n'y a pas de prédisposition. Ah, oh, c'est ça que je voulais dire. De prédisposition pour lire puis aller voir sur Internet. Non, vous avez entièrement... Mais il me semble qu'on sent pas dans l'ambiance d'Internet, là. Ben... Il y en a qui passent leur vie là-dessus. Bon. OK. Et pour nous... C'est bon, je me sens touché, moi, là. Aïe, aïe, oh! Tu me fais mal à mon cœur d'animal. Où es-tu, ma belle Paquetteville? Veux-tu me laisser tranquille? On sait pas. Laissons ça... Oui? Encore! Encore! Oh, attention! Oh! Paquetteville, Paquetteville, tu peux bien dormir tranquille. Paquetteville, Paquetteville, tu peux bien dormir tranquille. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Annie Cordy, reste comateux, s'il vous plaît. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de la créatrice chanteuse, écrivaine. Ben, écrivaine, oui, elle écrit ses chansons. Oh, compositrice, oui. Agnès Bill. Agnès Bill est une chanteuse à texte française. Issue d'une famille d'intellectuels, la petite Bill s'intéresse naturellement à toutes les formes artistiques, notamment à l'écriture et à l'art dramatique. S'inspirant de Brel, Brassens, Renaud. Talalan, c'est pas moi qui a fait la mer, c'est la mer qui m'a fait talala. Oh, je suis donc tombé dans l'eau comme dans le whisky talali. Ok, c'est pas du Renault, ça? Du pandan, un sandiag et un chire un peu jaune, il me verra là et je serai à l'homme. À l'ombre de bello, à l'homme, baladam, talam, talam. Oh, c'est Edith Bottleller. Oh, Edith Bottleller. Alors, il n'est pas l'heure. Anne aussi, elle a été influencée, ma chère amie Agnès Bill, par Anne Sylvestre. Agnès Bill appréciait de beaucoup, apprécie beaucoup la chanson française à texte, entre guillemets. Vous pouvez aller voir les guillemets, je les ai écrites, mais vous ne pouvez pas les visualiser. Mais là, dans votre cerveau, vous voyez les gros guillemets qui s'ouvrent. Hey, ça fait peur! Puis là, à l'intérieur de ces gros guillemets-là, là, on peut placer à texte et refermer les gros guillemets de l'autre côté. Oh! C'est fantomatique! Ben là, c'est à texte entre guillemets, là. Oh, OK, ben, excusez-moi, j'étais comme parti dans une autre vision. Ben oui, pars pas dans d'autres visions, reste dans la mienne. Hey, c'est obscur! Oui, venu d'ailleurs. Elle décide de chanter la réalité à travers son univers où se mêlent poésie, humour et militantisme. Comment? Non, c'est militantisme. Militantisme? Pourquoi pas du... Hey, c'est pas du death metal, ça, là. OK. Quoique. Elle fait ses débuts au Limonaire en 1998, invitée par Charles Aznavour. Oh. C'est quoi? C'est un certain sonnette. Oh, je pensais que c'était Charles Aznavour. Ben oui, c'est le début. OK. Isabelle... Isabelle... Isabelle... Isabelle... Isabelle, mon amour. Ah, il était inspiré ce soir-là. Il, je suis sûr que c'était le 31 décembre 2010. Il devait être à environ 17h17. Puis là, il a pris son crayon. Ben, il dit, quoi, je suis pas n'importe qui, moi, là. Hein? Je suis pas Didier Delompré, moi, là. Hein? Je suis Charles Aznavour. Et Charles Aznavour ne chante que des textes réfléchis. Alors, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, mon amour. Oh, je sens le succès. Sens-tu quelque chose, toi, là? C'est ma dinde qui est en train de brûler. Ben, cours, ma Georgette, vas-y couvrir ta dinde. Ben, sinon, faut la laisser couvrir, faut y mettre de l'eau. Hey, mais on rate la recette. Issue, on le dit, elle est issue. Aujourd'hui, elle sillonne la francophonie et amène un paysage musical, une couleur singulière qu'elle défend depuis le début de sa carrière. Maintenant, enrobons-nous en ce vendredi, proposons-nous, et là je dis ça en me retournant vers elle, qui? Mais, elle, en tout cas, je peux pas dire qui, là, c'est dans l'intimité. Oh, Pourquoi c'est dans l'intimité? Ben parce que je peux pas le dévoiler au grand jour. Ben là, la nuit fait noir, là, tu peux le dévoiler. Non, sauf si la torture. OK, amène l'alcool à friction. S'il vous plaît! OK, un voyage chargé pour cette nuit hivernale et surtout cette nuit qui terminera 2010, hein? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous là pendant cette année-là, là, hein? Ce fut-il positif ou ce fut-il négatif? Dans mon cas, là... Non, pas dans ton cas, dans le cas de nos citoyens, de nos auditeurs de CKRL. Oh, moi, ça a été très positif, hein? Je trouve que la musique est de mieux en mieux, de plus en plus belle, et puis elle rayonne dans ma vie. Ouais, ça, c'est bien dit. Que d'avoir à jeter des bonnes phrases. Ah oui, oui. Je m'étais dit, non, il faut que je casse. Il y a des phrases qui paradoxalement étaient trop jolies pour laisser vivre l'émotion. Tu sais, c'est un peu comme une grande fleur qui prend tellement de place qu'à côté, toutes les petites fleurs autour ne peuvent pas pousser, elles n'ont pas assez de soleil. Ouais. Et bien l'émotion, c'est un peu pareil. L'émotion, c'est un peu le coquelicot ou la primevère qui a dessous la grande rose. Et il faut réussir à allier les deux. C'est-à-dire d'un côté, la beauté, les mastures de cette rose magnifique, mais il ne faut pas zapper non plus toutes les petites herbes qu'il y a autour, parce que c'est souvent ça qui fait le côté charmant. C'est elle qui la rend belle, c'est

taking their toll, and what we do now is future molding. Columbine bowling, childhood stolen. We need a bit more gun control. Right, right now, right, what is going on? We gotta work together, it's been too long. KRL 89.1 à Québec et nous avons trouvé la recette du punch! Oh, tu l'avais mis, ma Georgette. Mais là, tu te souviens que j'ai placé tous les petits papiers importants à l'intérieur de mon soutien-gorge? Oh! Ouais, et puis là? Ben là, voilà, c'est ça, là. Je me suis dépouillé. Oh! De nos athlètes, on saute. Okay. Alors, la recette, c'est pour 25 personnes. Hey, c'est beaucoup de monde, 25! Quoique, si vous en avez trop, vous pouvez passer au 405 3e Avenue. Mais voyons! Hey! Tu boiras jamais ça? T'es allergique aux trois quarts des produits? Ben non, non, non, non, non. Oh, ben écoutez, on va faire la nomenclature. OK, alors donc, ça vous prend du rhum blanc agricole. Là, déjà là, ça diminue, hein? Là. Ah, ben là, du rhum blanc agricole, on n'a pas ça, nous. On est en ville, on est urbain, on n'est pas dans la campagne. Le rhum dans nos campagnes, entend on est l'agricole et l'écho de nos montagnes, mélange cette mixture radieuse. Ça c'est après. C'est quoi ce bichonnerie? OK, c'est du ricanement, oui. OK, mais écoutez, du rhum agricole ou du rhum tout court, je sais pas la différence. Moi, j'en ai déjà ramené ici, où tu étais. Ben, j'étais à Paris. J'ai amené du rhum agricole et puis c'est vrai que ça a un goût très particulier. C'est agriculturellement parlant. Oh, c'est dans le 55 degrés. Oh! Et puis ensuite, on vous demande donc 1 litre de rhum blanc agricole, 55 degrés, ou n'importe quel rhum, à mon avis. Blanc ou brun, hein. En fait, n'importe quoi. De l'alcool à friction, ben, c'est mieux, hein. C'est beaucoup mieux. Ensuite, 1 litre de jus d'orange. 1 litre de jus d'ananas. Ananas. 1 jus de goyave. C'est quoi, ça, de la goyave? Du jus de goyaves? Du goyave. On sait pas. Ça doit être la chanteuse Goya. La chanteuse pour enfants. Ben, non, ouais, la goyave. Ben oui, ça vient de la Gauvénie. Tu connais pas l'arbre qui soutient tous ses fruits? Il y en a juste un qui peuple toute la Gauvée. Ben voyons donc. Ben oui, on n'a pas trop en parler parce que ça coûte la peau des fesses. Comment ça? Ben il y en a juste un arbre qui donne la Gauvée. Et puis, ben c'est très wave. Il y a du MP3, mais il y a du wave. OK. Non, c'est de la go-yave. Ben, la go-yave, la go-wave, c'est la même chose. Dans le milieu, nous, on fait pas de différence. On connaît ça comme ça vient. Puis l'arbre se cache en Sibérie. Oh! Alors, c'est pas très près. Ben, ça dépend. Moi, je reste dans le Vieux-Québec. Donc, la Sibérie, Vieux-Québec, c'est plus près que de Limoilou à la Sibérie. Ouais. Ouais, pour quelques minutes. Non, c'est tu t'étires le bras puis tu peux prendre de la goyave. Alors 1 litre de jus de goyave, 1 jus d'un mélange de jus d'ananas, d'orange et de mangue. Ah ben, j'ai pas lu ça avant, moi. Tout dans les commerces, j'espère. Volez pas ça, c'est dans les commerces. Et puis, allez pas monter dans les arbres, vous risquez de tomber. Puis, si vous tombez, ben là, vous pourrez pas boire votre merveilleux punch. Du sirop de canne! Environ 10 cuillères à soupe de sirop de canne. Ah ben, Canada! Canada! Ouais! Non, on peut pas avoir de la canne. Ben oui, on a de la canne. Puis, c'est pas tant que ça, là. Au mieux, vous mettez du sirop d'érable. Oh! Ah ben là, c'est bien beaucoup plus intéressant. Oui, placez ça. Enlevez le sirop de canne, mettez du sirop d'érable. 10 cuillères à soupe de sirop d'érable. Ça, c'est ta recette, ça sera pas le même goût. Mais non, ça risque d'être meilleur. Ensuite de ça, pour décorer, vous mettez un pamplemousse. Ben voyons donc, on le coupe-tu en tranches? Mais c'est pas indiqué, là. Mais moi, à votre place, je le couperai, oui. Pour donner un regard plus intéressant. Ben, j'espère, parce que moi, là, mettre un gros pamplemousse dans un milieu de brocage, là, ça fait un peu Robin des Bois. Oui, c'est vrai. Et puis ensuite, une orange. L'oranger. Ah, mon Dieu. Coupez en tranches, comme d'habitude. Et 2 pommes. Ou si vous pouvez placer Ève, il n'y a aucun problème. Ève va s'installer généreusement dans ce merveilleux vase à punch. Et surtout qu'on risque d'en prendre davantage, hein, parce qu'on va aller voir Ève qui se baigne dans le punch. Et puis là, la préparation, là, c'est 15 minutes. Cuisson, il n'y en a pas. Repos, il n'y en a pas. Puis ben, le repos entre 2 punchs, là, j'espère. Mais là, 20 minutes entre 2 punchs, ben... OK, ben écoutez, moi, je vais vous en faire une blague, puis il y aura un punch, hein, on va voir combien de temps... Ben, là, pas de blague, oui, ça met dans l'ambiance, moi, là, oh mon Dieu, nous, ça détruit notre émission, ben là, qu'est-ce que tu veux, on peut pas aller plus loin de... Oui, oui, ah, la pile est morte, je n'ai plus de feu, ouvre-moi ta porte, pour l'amour de Dieu, ah, c'est là, est-ce qu'on peut changer, c'est 2 piles, oh, on n'a pas ça ici, c'est terminé, bon, mais c'est pas grave, le gag est terminé. C'est mort dans l'œuf, oui, comme on dit, ou dans la poêle, parce que quand tu casses ton œuf, oui, elle va s'échoir dans la poêle. Alors donc, on s'est échu dans la poêle. Là, c'est le temps d'un autre numéro. Là, on a de la misère parce que c'est la gorge qui flanche, hein. Ben non, voyons, non, c'est psychologique. Ah, mais moi, la psychologie, je connais ça. Cette semaine, et ça jusqu'au épuisement du concept, nous mâcherons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons, poursuivrons, élèverons à bras de mots celui-ci pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle, afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie. Aujourd'hui, plaçons en garde à vue le mot ou le verbe. Hey, là, c'est là que ça se passe. On sait pas, là. C'est comme ça que ça se passe, là. C'est comme ça que ça se passe. Mon petit job, mon dos, la lunette. C'est comme ça que ça se passe. On va lancer le mot. On lance le mot, Jean-Luc. On peut pas lancer. Il peut pas l'attraper, lui. Ben, voyons, non. Il est capable. Il est assez grand. T'as quel âge, moi? Moi, non, t'as quel âge, toi? Mais t'as dit moi. Ben ouais, moi, le gars, t'as quel âge, toi? J'ai l'âge de mon mental. Oh, il est très, très, très, très jeune. Très jeune. Quel âge as-tu? L'âge de moment. OK. Alors, donc, dans le royaume symbolique de la francophonie, en ce mois de le premier quoi? Non, le dernier. Les derniers seront les premiers. Le 31, c'est qui? C'est qui? C'est moi? Non, le 31, c'est le dernier. OK. Alors, c'est précurseur. Le mot précurseur en ce 31 prend un sens extraordinaire. Ben là, voyons donc, là, moi, je vois pas grande excitation dans le mot précurseur. Ben oui! Précurseur! Préhistorique! Ouais, mais toi, t'as l'air d'un être préhistorique, mais précurseur, c'est quoi ça? Ben, c'est dans un moment, hein, de sagesse ultime, on peut amener cet événement en disant, hey, il me semble que cette idée-là, c'est précurseur. Ça va nous tirer comme une locomotive à travers d'autres idées qui risquent de s'ouvrir sur plein de fragments intelligents. Ouais, c'est pas si précurseur que ça, ça là. Ben oui, hey, c'est pas si précurseur. C'est au contraire, c'est une avenue vers autant d'idéologie. Oh, ben là, idéologie, à 18h08 et 59 secondes, l'idéologie se cache où? C'est quoi, se cache où? Ah non, pas de cachot, hein? Pas de cachot, parce que moi, je suis allergique aux noix, aux cachous, aux arachides, arachides badouri, toutes les... moi, je suis pas capable de digérer ça. On dirait que ça me tombe sur le... Puis ça me crée des pustules. Mais là, c'est une maladie, ça, là. Non, l'allergie, c'est une maladie. Ben, ça, moi, je dis que oui. Bon, ben là, tu me mets un peu au dépourvu. Il faudrait regarder sur Google si c'est une allergie, c'est ce que tu viens de dire. Ben là, arrête donc, on a le médecin ici, on a, comment il s'appelle donc, le docteur Kirito, qui a un remède à tout, qui a un remède presque à tout. Même au tout. Ah ben là, si on peut amener tous les toutous du monde entier, hein, dans un grand lit pour nous tirer, on se fera pas mal. Tirer à quoi? Ben, tirer pas au fusil, tirer dans le lit plein de toutous. Oh! Comment qu'elle s'appelle, donc? Amélie Poulain! Oh, oui, Madame Toutou. Mais oui, Madame Poulain, c'est Madame Toutou! On l'aime-tu, Madame Toutou? On l'adore! Quelle belle actrice! Bonne actrice! Sophie Marceau. Oh, ben là, c'est dans... c'est dans les supérieurs, ça là. Mais Madame Toutou, ben aussi. Nouveauté, sort de ce corps, 1000 trésors. Oui, cet atelier d'improvisation se consacrera aux esprits. Oui. Puis plus tard aussi, durant l'émission, on va rappeler des grands de ce monde qui nous parleront peut-être. Oui, se consacre aux esprits. Oui, nous discuterons avec une personnalité morte aujourd'hui. Entrons en communication avec... Oh! Ouais, ça, c'est un peu pointilleux, là, avec Alain Bachung! Tiens, comment ça, t'as eu cette idée-là? Ouais, ben là, je sais pas. Alain Bachung, peut-il entrer en communication avec nous? Faudrait fermer les lumières, là? Ben, déjà là, moi, je ne suis pas une lumière. C'est vrai que ça éclaire pas beaucoup, toi, là. T'es-tu dans le 2 watts? Ah, moi, c'est une demi. Oh! Une demi-watt, c'est déjà beaucoup, hein? T'es la veilleuse! Ouais, je fais partie des veilleuses, oui. Alors, peux-tu nous veiller ça? Alain, m'entends-tu? Là, ici, nous avons la table, hein? Vous aviez en melvermine. C'est de la mélamine. Mélamine, viens-t'en ici, mélamine. Oui, j'arrive, mélamine. Est-ce que c'est du beau bois? Ben oui, c'est moi, c'est de la mélamine. OK. Alors, est-ce que, pour entendre Alain Bachung, c'est quoi? C'est deux coups, il nous entend, un coup, il nous entend pas, puis... Ah, non, il n'y a pas de coup, parce que Alain, il n'est pas dans le coup, là. Il nous a dit qu'il pouvait pas, puis là, il est bien trop occupé à ce moment ici. Il fait un spectacle. Avec qui? Ah, avec plein de sommités. Lesquels? Ben là, on peut pas les nommer parce que c'est déjà entre lui et eux. Ah, ben là, si on trépasse, ben là, ce serait pas le moment de trépasser puisqu'il reste quelques heures encore. Puis surtout, il faut avoir des billets, puis c'est comble, hein, c'est sale comble, puis on n'ose pas, puis c'est presque, comment t'appelles ça, donc, c'est inapte. Alors, Alain Bachung ne communiquera pas avec nous et on se retrouve après quoi? Le film va commencer dans 5 moments. Ah non, c'est vrai, non, merci, oh, c'est vrai, c'est pas 5 moments, c'est l'autre disque. Il fallait changer. Ben oui, mais là, si tu sais pas suivre tes records, ben là, on me l'avait pas mentionné, c'était le changement de record. Moi, je suis le metteur en ondes, mais je suis nouveau dans le milieu. Ben oui, mais tu resteras pas longtemps, moi, te dire. Parce que là, regarde, c'est changer de record, mettre le record là-dessus, presser sur play, puis sourire. Et ben, ça sourit après, puis play sa plan. Et monsieur, play sa plan quoi? Ben, sa plan quand même un doigt pour... Ah, voilà!